Le séminaire commun du Nord, du Sud et de la diaspora, consacré au 9e anniversaire de la publication de la déclaration du 4 octobre, a eu lieu du 6 au 7 octobre à Shenyang, Chine, sous la participation des délégués coréens du Nord, du Sud et de la diaspora. À la suite des discours de félicitations, il y a eu les interventions des délégués sous thème pour la paix et la réunification dans la péninsule coréenne et les relations Nord-Sud. Au séminaire, on a adopté à l'unanimité la résolution commune qui reflète la volonté ferme de tous les participants d'ouvrir en tête la nouvelle époque de réunification du 15 juin et la grande voie de la paix et de la réunification et de l'amélioration des rapports Nord-Sud en portant toujours haut les déclarations communes Nord-Sud. On a noté qu'on livrera davantage les activités pour défendre et appliquer la déclaration commune du 15 juin et la déclaration du 4 octobre et maintiendra fermement l'indépendance nationale et l'esprit de la grande union de la nation précisé par les déclarations Nord-Sud. On a ajouté qu'on s'efforcera pour la fin de la crise de guerre, l'établissement du système de paix durable dans le territoire de la patrie, le contact, le va-et-vient, les échanges et la solidarité de tous les milieux de l'intérieur et de l'extérieur de la Corée, la réconciliation et l'union de la nation.